Ici Maxime Tremblay de l'Épée légendaire. Bonjour et bienvenue au podcast de Mac Québec. Bonjour et bienvenue au podcast Mac Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mac Québec. Nous sommes mercredi le 13 février et si vous n'avez pas fait vos achats pour la Saint-Valentin demain et gagné des Airlus, vous pourrez vous reprendre demain matin. Le podcast Mac Québec, c'est votre source numéro un pour vos nouvelles Apple et on est diffusé aux deux semaines sur le site macquebec.com/en-direct. Cette semaine avec moi pour animer, mon premier co-animateur est parti pour la gloire et veut installer au moins trois versions de Ubuntu 1080p par jour sur ses ordinateurs maintenant qu'il y a l'Internet illimité. Jean-François Roy est avec moi. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien, merci. Passez une bonne semaine? Oui, monsieur. Tu me disais pendant les amateurs que tu avais reçu ton distributel ce matin. Oui. OK. Ouais. C'est un service qui est câblé, fait que c'est exactement la même chose que ce que tu avais. Pourquoi tu as changé à distributel? Internet illimité. Ouh, ça c'est bon. Je suis plus barré à 130 gigs maintenant. Mm-hmm. Mm-hmm. Je sais pas si les grands vont être obligés de changer un peu leur manière de faire. Je pense qu'ils ont déjà commencé. On va en parler un petit peu plus loin pendant le show. Ouais. Mon deuxième, en fait, a rencontré le pape et s'est fait dire « Il est trop vieux ». Par celui-ci. Vincent était rempli d'un mélange de bonheur et de soulagement. Vincent Miller est avec nous. Ça va bien, Vincent? Oui, ça va bien. C'est comme une joke de pape puis de pédophile en même temps, puis de ta jeunesse puis tout ça. C'est un peu raté, ouais. Mais on aura la chance de se reprendre pour d'autres trucs. Ben oui, pour le prochain pape. Oui, pour le prochain pape. On l'attend avec impatience. Ben oui. On va tu sais, il y a des chances que le gars que le Québec a produit de plus dégueulasse à tous les niveaux, rétrograde, conservateur, cloquite, se retrouve pape, c'est-à-dire chef de l'Église chrétienne all around the world. Je serais comme vraiment pas fier, sérieusement. Là. Non, mais il y a d'autres... Probablement, il y a d'autres... des papabilles. Personnes qui sont préférées, qui sont... Je pense que ça va être ceux qu'on a entendu, c'est souvent... Ah, peut-être, oui. Je sais pas s'ils sont... Écoute, je sais pas comment c'est au Vatican, mais je sais pas s'ils sont ouverts d'esprit. Hey boy. Au niveau du racisme, je parle. Ils sont pas racistes, mais est-ce qu'ils ont encore une mentalité de les Noirs ne doivent pas faire telle affaire? Parce qu'on s'entend que les cardinaux sont assez vieux quand même. Donc peut-être qu'ils ont encore une mentalité différente de notre époque maintenant. Reste à voir. C'est super intéressant, mais on n'est pas radio-ecclésiastique. En plus, aujourd'hui, mercredi, c'était le mercredi des cendres. Il fallait pas manger aujourd'hui. Je sais pas si... Ah, elle l'a manqué, celle-là. Fallait pas manger. Oui, Est-ce qu'un trio tiers de livre, bacon, fromage, Angus avec une poutine, ouais, non, ça, un c'est comme ça en glace et une entrée de 4 McCroquettes, c'est manger? Ça, c'est pas manger. Wow. OK, c'est correct. C'est sans-pifré, c'est dégueulasse. Quoi? C'est ça. On est rendu à la partie du show où est-ce qu'il y a un de vous deux qui prend le lead et qui décide de me présenter, les boys? Ben oui, mais parce que tu fais juste parler. Oh! Jeff, tu veux y aller? Ton nom est en parenthèse à côté, là. Oui, excusez, parce que mon chum vient d'arriver, c'est pour ça. Donc, okay. J'ai été coupé. Bienvenue à Podcast Mac Québec, Behind the Scene. Behind the Scene, oui, exactement. Il n'y avait pas assez de place pour les deux papes sur le net. Il est avec nous, le pape du Mac, Alexis Cornelier. Comment allez-vous? Merci. J'y ai parlé à Pontifex. On a réglé ça dans le cours à 4 heures, puis il savait qu'il ne pouvait pas maintenir tête. Ouais. Fait que voilà. C'est ça l'épuisement. voilà. Il a eu peur de moi. Mm-hmm. Donc, cette semaine, on a pas mal de nouvelles. On va y arriver. Mais sinon, messieurs, en fait, on a reçu un email cette semaine. J'ai pas retrouvé son nom, mais il y a un de nos auditeurs français qui nous a écrit. Puis il voulait savoir, en fait, c'était quoi les sections qu'on faisait en début d'émission. C'était quoi la section coup d'os et coup de dose? Et lui, en fait, il comprenait pas parce qu'on mâche nos mots puis on parle tout croche. J'ai son nom. Ah, Jean-Sébastien Bien. Jean-Sébastien Bien. Ouais. Et bien, Jean-Sébastien Bien, qui s'enquérissait, c'était quoi? Coup d'os, ça s'écrit K-U-D-O-S. Ça provient, en fait, d'un mot latin qui veut dire donner des honneurs ou quelque chose comme ça. En fait, qui veut dire félicitations. Puis, ça a été repris, en fait, ça a été remis au goût du jour, si tu veux, dans le monde des gamers. Qui utilisait ce terme-là pour se féliciter peut-être au début des années 2000 ou fin des années 90. Donc, c'est coup d'os. Et coup de dose, en fait, c'est une section où est-ce qu'on dit qu'est-ce qui nous a énervé puis à qui on tirait un coup de chevrotine parce qu'on trouve que c'est des pas brillants. Voilà. Donc, puis sinon, est-ce que vous avez, messieurs, pour la section coup d'os et coup de douze, quelque chose à dire? Moi, j'ai rien. Là. J'ai pas grand-chose cette semaine, moi, dire franchement. Là. Moi, on va en parler juste après. C'est un coup d'os, mais on va en parler après. Puis le deuxième que je vais en parler en premier, c'est ça n'a pas vraiment rapport avec Mac, mais je voulais quand même le souligner. Mm-hmm. C'est le court-métrage de Ian Englund. Dit Einstein, tout le monde va comprendre. Mm-hmm. De Ian Englund. Mais pas Vincent. Que vous avez vu peut-être quand vous étiez jeune à VRAC TV. En tout cas, moi, je l'ai vu quand j'étais jeune à VRAC TV. Ou sinon, l'émission là, qui parle de docteurs, là, ils sont dans un hôpital. Trauma, donc sur Radio-Canada, qui était présent, en tout cas, dans la dernière saison que j'ai vue. Et il a fait un court-métrage qui s'appelle Henri, qui est disponible sur tout.tv si vous voulez aller l'écouter. Je vous le conseille. Ça. Oui, c'est vraiment malade. J'ai vraiment aimé ce court-métrage-là. C'est un peu pour souligner son grand-père, finalement, qui a fait ce court-métrage-là. Un hommage à son grand-père. Oui, exactement. Je veux pas un hommage. Oui, c'est ça. Puis je veux pas comme spoiler rien. Donc, je vous expliquerai pas vraiment en détail le film. Parce que un court-métrage, c'est une vingtaine de minutes là, quand même. Là. Fait que c'est pas un gros film. Là. Par contre, il a été nominé aux Oscars. Je sais pas. Les Oscars sont-ils passés? C'est 24 non, février. Pas encore. 24 février, donc on va voir. Il a été nominé aux Oscars, donc pour le court-métrage, j'imagine, étranger. Donc, on lui souhaite bonne chance. Puis écoutez, je l'ai dit comme avant le show, mais je vais quand même le dire en ondes. J'ai jamais eu une larme là, pour dire dans un film. Par un contre, celui-là. D'émotion. Ouais, c'est un moment d'émotion. Puis celle-là, j'ai eu une larme là, quand je l'ai écouté. C'est pour dire. Là, c'est assez rare de mon côté. Donc, vraiment, là, c'est un excellent film. C'est pour ça que je l'écouterai probablement pas. Je braille comme une madeleine dans des films trop émotionnels. J'ai pleuré à la fin de Toy Story 3. Mais excellente suggestion. D'ailleurs, la section coup d'ose et coup de dose nous permet de sortir un petit peu du monde Mac et du monde de la technologie. Donc, c'est très cool. Pour ma part, en fait, mon coup d'ose va à un auditeur qui est parmi nous, qui est Patrick Ducharme, qui écoute tous les shows. Mais Patrick m'a donné un sérieux coup de main hier. Je voulais installer un service qui s'appelle SickBeard. Je vous en parlerai pas, mais le logo, en fait, ressemble exactement à la face que vous voyez dans le carré où est-ce que j'apparais. Si vous allez voir sur Internet, vous allez trouver. C'est un service dont on ne veut pas nécessairement faire la publication, la publicité. La promotion. La promotion, mais c'est vraiment intéressant, c'est vraiment chouette. Puis j'avais fait une coupe de manœuvre tout croche et Patrick m'a réglé ça. À distance via TeamViewer. Donc, merci beaucoup, Pat. Ça fait très plaisir. Je suis super content de mon installation. Fait que, voilà. Donc, kudos à Patrick. On commence avec les nouvelles. Ou t'avais-tu quelque chose? Je pense, Vincent, t'as quelque chose à nous parler à propos de l'application Mac Québec? Oui, j'ai fait un petit teaser dans les amateurs de Mac Bonsoir juste avant. Je suis en train de travailler super fort sur la prochaine édition, la prochaine mise à jour de l'application MQ Mobile, donc l'application iPhone de Mac Québec. En fait, je dis iPhone parce que en fait, ça va être iOS, donc supporter iPad et iPhone. Oui, okay. Puis ça va être gratis, là, ça coûte pas, ça va rien coûter de plus. Vraiment, je suis assez content, là, c'est une grande amélioration, on va dire, dans mon travail, dans les applications que je fais. Ça m'a permis d'atteindre le travail que j'ai fait dans les derniers mois sur des différentes applications, différents brochets. Ça m'a vraiment apporté un peu plus un level up vraiment sur l'application. Et assez fier. Je peux vous énumérer un peu quelques features. Une dont il y a beaucoup de personnes qui nous ont contacté pour l'avoir. Zoomer un peu sur la police d'écriture. Donc grossir la police de caractère. Exactement. Ça a été demandé. J'ai été capable de le faire, donc je l'ai fait. Aussi, il y avait un petit problème avec certaines images qui sont larges. C'est corrigé ça aussi. En fait, le texte, il y a une nouvelle police qui est faite exprès pour les articles. Le partage va être beaucoup plus facile, donc vous allez pouvoir lire facilement les articles. Puis, il va y avoir une photo, la photo qui apparaissait normalement dans la liste des articles dans l'application, c'était MQ Mobile ou c'était Mac Québec. Là, ça va être vraiment l'image de chaque article qui va apparaître. Et il va y avoir différentes sections là, séparées. Donc, les nouvelles, bande essai, la section podcast, puis d'autres plus là, vers nos différents services. Puis aussi, une section un peu plus facile pour nous contacter là, si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, si vous voulez suggérer des choses. On vous tient au courant sur Mac Québec. Ça ne sortira pas avant le prochain podcast, mais peut-être qu'on va l'envoyer pour le prochain podcast ou on va être en bêta déjà pour le prochain podcast. J'allais te demander, tu penses que d'ici deux semaines, un mois, mettons, ça serait sorti? Non, c'est ça. Peut-être dans un mois, là, mais dans les deux prochaines semaines, Alexis, inquiète-toi pas, tu vas pouvoir faire essayer la bêta, là, Jeff aussi, donc vous allez pouvoir l'essayer. Ça va être une bêta fermée, donc cette année, il n'y aura pas... Je me rappelle l'année passée, on avait fait une bêta un peu plus ouverte là, pour demander vos commentaires, sauf que on aime mieux vous donner un peu plus de surprises puis vous donner la carotte à la fin. Là. Donc, on va tester ça tout à l'interne. À l'interne. Ouais. Parfait. Juste avant de passer aux nouvelles, vous connaissez l'application? Je ne sais pas si on va le voir. Là. Je sais pas comment. Oui, bon, OK, on le voit de côté. Là. L'application Mailbox... Je suis 132e 408. 132e, oui. Millième 408e, exactement. J'ai trouvé. Il y a quelqu'un qui vient de poster ça sur Twitter. Avoir le countdown, dans combien de temps qu'on va avoir l'application. Ah, OK. Fait que j'ai mis le lien dans le chat. Si vous voulez aller tester, si mettons vous êtes 365 miels. C'est mon cas. En tout cas. Puis moi, il me reste 6 jours. Avant d'avoir l'application. Pas pire. On fait souvent la ligne pour les produits Apple. Celle-là, c'est vraiment la plus longue qu'on a faite. C'est n'importe quoi. En fait, c'est pas tout à fait n'importe quoi parce que ça fait deux choses, ce truc-là. C'est-à-dire que les chiffres sont tellement astronomiques que tout le monde les partage et parle de l'application sur les médias sociaux. La deuxième chose, c'est qu'eux autres s'assurent de... pas avoir 8 millions de personnes jour 1 puis que le site crash pendant 3 jours à la méga ou à la iCloud, tu sais. Fait que c'est quand même brillant de la manière. C'est sûr que c'est frustrant d'attendre en ligne. Moi, ce que je trouve plus frustrant, par exemple, c'est le monde sur Twitter qui dit que le service, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Puis que c'est pas bon, tu sais, comme tu fais « Ah ouais, je vais arriver comme avec un gros préjugé dans l'application. » Ça va pas bien, je vais faire 3-4 mots, je vais faire « Non, c'est poche. » Ah, fuck, on délite ça, c'est ça. Exact. Fait que je suis pas sûr, tu sais, en tout cas, je sais pas si les places que tu prends en ligne, c'est du monde vraiment, bon, eux autres, ils ont reçu leur application, notre service peut le tenir, ou c'est juste du monde qui l'ont désinstallé après 5 minutes parce qu'il était écœuré. Je sais pas. Fait que je vais checker ça dans 6 jours. Fait que peut-être en parler la semaine prochaine au web. Là, j'ai une petite anecdote pour ma part avant de passer de passer aux, aux nouvelles, vite, vite. Aux nouvelles. Un matin, je suis parti, je suis dans le trafic comme d'habitude, et pour passer à travers du trafic, rien de mieux qu'un bon podcast. Et mon podcast de prédilection, tout le monde le sait, c'est Les Mystérieux Étonnants. Et ils font leur segment de nouvelles, puis après ça, ils commencent à parler d'un livre. Puis en fait, Francis Ouellet qui a fait une suggestion pour un livre d'enfants, donc j'étais tout oui, moi qui ai deux enfants, et le livre qu'il a proposé avait l'air vraiment intéressant. Ça me parlait beaucoup. Puis le livre dont ils ont parlé dans leur plus long segment vers la fin du show, qui est ce livre-là ici, French Kiss 1986, qui est une bande dessinée de Michel Falardeau, qui est... en fait, j'ai lu quelques pages à date, mais c'est vraiment très intéressant. Bref, j'écoutais le show, puis il me donnait vraiment envie d'acheter les BD. J'étais comme dans mon char, j'étais là, je veux une librairie, je vais acheter ces livres-là maintenant. Fait que j'étais allé chez un libraire, j'ai acheté les deux livres, je sors, et quand je sors, il y a Danny Turcotte qui est devant moi, puis je le regarde parce que c'est quelqu'un de la télévision, puis que j'ai tendance à faire ça, puis je fais un petit salut de la tête, puis lui, il lève la main, puis il me fait salut. Puis là, je fais, ben, comme, hi, salut, puis tu me reconnais-tu? Je dis, t'as reconnu ma face de la petite photo Twitter? Là, il fait, ah, okay, oui, c'est là. Puis il dit, t'es le spécialiste Mac. Puis là, je fais, oui. Puis là, il me dit, t'es allé chez André Ducharme? Je fais, oui. Fait que je trouvais ça drôle parce que ben, c'est une vedette qui me reconnaît, moi, sur la rue. Je trouvais ça bizarre. Fait que ça, c'est à cause de Twitter. Mais je dis, j'attends juste que t'aies un problème avec ton Mac. Puis il dit, ben, j'en ai eu un matin. J'ai renversé une tasse de café dedans. Donc, son clavier est à proprement parler mort. Puis, je pense qu'on devrait prendre une minute de silence pour le clavier de Danny Turcotte. Bon. Hey, une minute. Non, mais c'est jamais une minute. Ça va s'arranger à post-prod, c'est pas... Hein. Ouais, c'est ça. C'est bon, merci. Excellent. C'est la deuxième fois qu'on prend une minute de silence pour quelqu'un qui a échappé un café dans son clavier. L'année passée, dans le podcast, on avait parlé d'une autre personne aussi. Je pense que c'est vrai qu'il avait échappé un café. Comment ça s'appelle, là? Jonathan Laberge, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est triste parce que ça tue littéralement. En plus, s'il y a du sucre dans le café, souvent le monde disait, hein, j'ai à Coop, il disait, j'ai renversé du café. Puis on posait tout de suite la question, il était-tu sucré ou pas? Puis le gars nous regardait comme, mon clavier est juste mort, ta gueule, ton sucre. <t'sais>. C'est parce que le sucre va créer de l'oxydation à l'intérieur de l'appareil. Puis on a vu plein de monde qui a X nombre de temps renversé du café sucré. Puis ils ont fait comme, ils ont vidé, ça a séché, puis c'était correct. Mais le sucre qui est resté à l'intérieur, lui, a commencé à gruger les entrailles de l'ordinateur. Puis là, comme 6 mois plus tard, ils ont comme un touchpad qui ne fonctionne plus ou des affaires de même. Donc, c'est plate, un café dans un ordinateur. Ouais. Bon. Sinon, on commence sur Mac Québec, je trouve, à avoir pas mal de viande en termes d'articles. On a eu récemment, en fait, des rédacteurs qui se sont rajoutés à Vincent, en fait, qui est un peu un des seuls à écrire, parce que lui sait écrire en français. J'ai écrit beaucoup moins, là, maintenant. Oui. Mais Jean-Michel Boily, là, d'ailleurs, là, c'est... Je pense que ce serait même un coup d'os là, sur le podcast, là, mais Jean-Michel Boily fait un très bon travail là, d'article. Là, D'ailleurs, cette semaine, je pense, il a sorti un article par rapport à la bande passante Bell qui offre maintenant la possibilité pour 10$, si vous êtes abonné à 3 services, sinon c'est 30$, de faire sauter en fait la limite de bande passante. Donc, c'est assez intéressant dans le sens où si vous négociez une bonne entente avec eux puis que vous avez du fibre à 50-50, au mieux 175-175 pour les 3-4 personnes qui sont admissibles à cette bande passante-là. C'est à peu près. Ceux de Québec à Québec. Oui, ils ont toutes les autres. Sauf d'Arena, là, ils n'ont pas d'Arena. L'article est super intéressant. Moi, c'est un des premiers que j'ai vu qui a sorti l'information. Donc, suivez-le, en fait. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le nom des rédacteurs sur Mac Québec. Vous pouvez voir ces articles qui sont toujours très intéressants. Vincent, t'écris moins, mais t'écris bien sur Mac Québec. Toi, t'as fait finalement l'article sur... parle-nous-en un peu, c'est sur la signature d'Enmail. Oui, la signature d'Enmail a changé. Donc, c'est un nouveau format pour la signature en général dans l'application Mail du Mac. Donc, en passant de 10.7 à 10.8, le tutoriel que j'avais fait cet été pour 10.7 ne fonctionnait plus. J'avais eu beaucoup de feedback positif. Donc, il y a des personnes qui me demandaient là, jusqu'à tout récemment là, quand ça allait sortir. J'ai fait un article justement pour Mountain Lion. Donc, si vous avez déjà lu celui de Lyon, c'est un peu le même principe. Je donne une signature à la fin, une signature de Mac Québec. Donc, vous pouvez la modifier à votre guise. Puis, c'est pas passé pour du staff de Mac Québec, par exemple. Non, c'est ça exactement. Mais, regarde, je vois pas vraiment, de toute façon, l'utilité que ça ferait. Ça ouvre plein de portes. Oui. Pourquoi nous, ça nous arrive pas, les portes, ça n'ouvre pas à nous, mais... Ça nous ouvre les portes du WAC. Oui, c'est vrai. donc, c'est ça, une signature, je donne l'exemple. Je donne un peu la description qui change un petit peu là, de Lion. Sinon, ça ressemble quand même, c'est le même format du fichier HTML, c'est la même signature là, que sur Lion. Donc, c'est ça. Puis finalement, en fait, on peut dire que Mac Québec rentre dans les ligues majeures parce que il y a quand même une grosse pointure, et je parle pas du volume qu'il prend, mais bien de son talent d'écriture. Il y a François-Dominique Laramie qui s'est joint à nous au podcast il y a quelques semaines, mais aussi à l'écriture, à la rédaction d'articles sur Mac Québec. Et cette semaine, vous pouvez attraper son premier article qui est à propos des logiciels sous iOS pour signer et faire des changements, des annotations au fichier PDF à partir de la plateforme iOS. Donc, on vous invite à aller voir ça sur le site de Mac Québec. Sinon, ailleurs sur le web, Jeff, tu nous as trouvé une news pas à propos de Apple. Non, mais tu sais, vous savez que en passant, le site fonctionne pas, Vincent. Vous savez que j'aime ça bâcher sur les autres compagnies. Alors, on va bâcher aujourd'hui sur Microsoft. C'est tellement facile. C'est très facile. iFixit ont démonté la nouvelle Surface Pro. Et on donnait la note de 1 sur 10. C'est pire que le iPad qui a eu 2 sur 10 le dernier. Ça a l'air que c'est tout soudé. Même si vous faites chauffer l'écran, whatever, même si vous l'ouvrez, il y a tellement du filage que si vous l'ouvrez à peine, vous pouvez déchirer des fils parce que c'est tellement court ou whatever. Je sais pas comment qu'ils en font ça. Il y a 90 ou 92 vis à l'intérieur de la tablette Microsoft Surface Pro. C'est hallucinant, là, parce que là, tu peux plus... Tu sais, une Surface Pro, là, c'est comme une tablette, mais ordinateur. Fait que t'es pogné avec ton 4 gigs de base de mémoire que tu peux pas changer, parce que si tu rouvres... C'est quand même quelque chose qu'on peut attribuer aussi au MacBook Air ou les derniers MacBook Air, tu peux pas les ouvrir non plus. Ils sont encapsulés. C'est un peu la même chose. Les tablettes iPad, y a rien qui s'ouvre là-dessus. Non. Tu peux les ouvrir pour aller faire un petit peu de réparation. L'iPhone 5 avait eu une bonne note par iFixit pour l'ouverture. Mais en tout cas, la Surface Pro, là, c'est pas une bonne chose, je trouve que. En tout cas, qui donne 1 sur 10, là. Puis de toute façon, on sait qu'au dernier podcast, j'avais parlé de l'espace que le système prend et qui te reste inutilisable. Ouais, c'est assez ridicule. C'est assez ridicule, là. C'est comme... mon chum va arrêter de tousser comme un débile, là. Fait que c'est ça. Fait que c'était mon petit bashing sur Microsoft pour aujourd'hui. Ce matin, il y a une nouvelle qui est sortie. Apple a renouvelé la gamme des portables MacBook Air, MacBook Retina. Mm-hmm. Est-ce que les MacBook Pro ont eu le droit aussi à une mise à jour? Non, juste les Retina. Ah, OK. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont descendu le prix, amélioré un peu ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, le processeur, le prix, le processeur est passé de 2.4 à 2.5. C'est Retina et MacBook Air. Oui. Puis, entre 100$ et 300$ de moins sur les modèles respectifs. Ils commencent à faire des économies d'échelle sur les écrans, puis ils en font bénéficier la clientèle. Ouais, c'est quand même assez intéressant. Oui, exactement. Ou simplement, ils n'en vendaient pas assez. Peut-être. Ben, le MacBook Air? Peut-être pas le MacBook Air, mais le MacBook Retina, avec les prix qu'il y avait, c'était quand même... Ouais, c'est hardcore. Je m'excuse, là, mais tu sais, les seuls qui peuvent se payer ça, c'est les riches puis les étudiants. C'est ça. T'sais, le gros 15 pouces à 2800, là, t'sais, on a tout ça chez nous, hein, 2008 qui traîne. T'sais. Fait que. Allô, Vincent? Oui. J'écoute avec. J'écoute. Non, mais c'est vrai que... Il écoute en haute définition avec son écran. Il est ébloui, là. C'est comme numéro un. Mais non, mais c'est vrai que c'est ridicule. Je m'excuse, là, mais quand t'es rendu que tu payes un ordinateur 2800$, il est super beau. Tu sais, il est écœurant, l'ordinateur à Vincent, là. Mais... oublie ça, là. Je pourrais jamais me payer ça, là. Oublie pas ça. Faut pas que t'oublies ça. Moi, je vais dans 5 ans, on va commencer à le payer, l'ordinateur, moi. Tu sais, Jean-François, t'as deux reins. Ouais, je sais. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Ah, je sais. Puis je bois pas. Fait que Chris, je pourrais abandonner un tout de suite. Ah, il est mint. Ouais, il est à peine utilisé. Voilà. Fait que. Sinon, il y a une nouvelle, en fait, que j'ai vu à quelques endroits, 9to5 ou iPhone in Canada. Vous savez comment j'aime les brevets d'Apple, regarder, en fait, qu'est-ce qu'ils ont. Sur quoi ils ont mis un brevet. Et il y en a deux, en fait, assez intéressants qui sont sortis au cours des dernières semaines. Le premier, c'est un système de détection de profondeur grâce à un laser et la caméra EyeSight. Donc, ça permettrait, en fait, d'avoir la profondeur, de détecter, en fait, un être humain, puis de voir si, peut-être à telle distance de l'ordinateur, je vais ouvrir telle application à telle autre distance. Donc, en fait, avoir la profondeur de champ que nous, on est en mesure d'avoir. Mm-hmm. S'ils le mettent sur des ordinateurs, ça peut servir à quelques trucs. S'ils le mettent sur l'iPhone ou sur l'iPad, ça peut probablement aider au niveau de la prise de vue des caméras, au niveau de la profondeur de champ, de qu'est-ce que tu es en train de viser, qui est au premier plan, au plan à l'extérieur. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'Apple pourrait nous sortir avec ça. Mais quand on dit qu'Apple ne fait pas d'innovation, ça pourrait en être une très intéressante. On dit même que le laser, en fait, dans la demande de brevet, le laser serait capable de projeter éventuellement un clavier. Donc, sur Tingy, qu'on l'a, là, cette espèce de petit bidule-là, qui est une espèce de... Exactement, une petite boîte, en fait, gros comme un paquet de gomme, qui est équipée d'un laser, d'une batterie et qui diffuse. Je ne sais pas comment Apple pourrait se débrouiller parce que, déjà, ce bidule-là contient à peu près autant d'électronique qu'un iPhone. En tout cas, ils l'ont pas minimisé plus que ça. Peut-être qu'ils en sont capables, mais... J'ai hâte de voir. Puis l'autre chose, en fait, c'est que je vois mal Apple faire un produit qui va projeter un clavier. Celui qui existe actuellement, qui est vendu autour de 200$, c'est pas terrible. Je pense qu'Apple est capable de prendre cette technologie-là et peut-être l'améliorer, mais il faudrait vraiment que ce soit comme breakthrough pour que Apple décide d'utiliser ça. Le deuxième, c'est assez innovateur, encore une fois. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, les gars, d'être dans un endroit et de ne pas avoir de cash sur vous, d'avoir seulement votre téléphone et il n'y avait pas, par exemple, de guichet automatique pas loin pour retirer des sous? Mm-hmm. Apple a breveté un système de retrait d'argent peer-to-peer entre usagers d'un iPhone. Donc, ce serait un logiciel qui serait installé sur ton téléphone. Tu es en quelque part, tu as besoin de cash, tu fais une demande et la personne, les personnes qui sont en hégémonie, c'est-à-dire pas trop loin, reçoivent une notification. Ça leur dit « Hey, il y a quelqu'un qui voudrait retirer des sous. Si vous avez de l'argent sur vous, ben vous pouvez le faire. » Et la personne est payée par ta carte iTunes dans laquelle il y a déjà ta carte de crédit. Donc, c'est comme si tu lui achetais directement quelque chose. Donc, ils sont en train de regarder, en fait, parce que peut-être qu'ils ne le mettront pas en place, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des équipes qui sont en train de regarder pour comment utiliser iTunes comme un service bancaire. Ils l'utilisent déjà à l'intérieur de leur boutique avec leur application Apple Store, où est-ce que tu peux rentrer, scanner un item, sacrer ton camp avec. Donc, si tu veux faire un achat impulsif, rien de mieux que ça. Tu peux voler le store au complet, si tu veux. Ben, je suis pas sûr de ça. Les gars qui nous checkent en ligne chaque fois qu'il y a un iPhone qui sort, je voudrais pas qu'ils m'aient vu prendre quelque chose, le mettre dans mes poches, sacrer mon camp avec, parce que je pense qu'ils seraient capables de me rattraper en courant. À ce moment-là, ils sont quand même en train de regarder. C'est comme s'ils voulaient pas mettre le NFC dedans. Puis d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est la semaine vendredi passé ou vendredi qui s'en vient, où il va avoir une émission spéciale sur justement les puces NFC dans les cartes de crédit à JE. Ouais, c'est vendredi qui s'en vient. C'est ça. Donc, eux autres, on est trop petits, fait que les compagnies de cartes de crédit se sont pas assis là, mais ils vont montrer comment c'est facile de voler l'information de la carte de crédit. Je sais pas, en fait, s'ils vont aller jusqu'à dire que c'est facile de faire une copie de la carte, ça doit, en quelque part, mais on le sait que c'est pas hyper sécuritaire comme ils le prétendent. Le NFC. Donc, Apple semble vouloir ne pas aller dans cette direction-là, mais de quand même chercher, en fait, des nouvelles fonctionnalités. Je pense qu'on sont prêts à tout faire pour pas rentrer la puce NFC dans les téléphones. C'est possible. Ben, en fait, c'est parce que la puce NFC, dans la tête de tout le monde, c'est pour payer. Et c'est pas que ça. C'est-à-dire que s'il y avait une puce NFC dans mon ordinateur et dans... en fait, un lecteur NFC dans mon ordinateur et un autre dans une puce dans mon téléphone, ben, mon téléphone pourrait devenir une espèce de clé pour mon ordinateur. Puis à ce moment-là, ben, ça serait moins intéressant de dire « je vais voler le téléphone de quelqu'un juste pour avoir la clé pour ouvrir son ordinateur ». En fait, c'est pas le fait qu'il y ait une puce NFC dans les deux qui rendrait le produit attrayant. C'est juste parce que le gars voudrait voler ton ordinateur puis ton téléphone, mais il serait pas attaché au fait que tu as du cash dedans, puis que tu peux acheter de quoi. Fait que c'est ça. Mais c'est assez facile à cloner, là, le truc. C'est bizarre. J'ai hâte de voir vendredi. Là, tu sais, je sais qu'ils se vendent des petits portefeuilles là, pour pas que... En métal, là, que le signal sorte pas du petit portefeuille. Là. Mais j'ai hâte de voir comment ils se prennent, là. Mais bon. Ça fait quand même longtemps que la technologie existe. C'est vieux, ça, c'est pas... Les PayPass puis les affaires de même, là, chez Petro-Canada puis ailleurs, là, les compagnies d'essence, là, où est-ce que tu passes ta carte à côté de la borne, ben c'est du NFC. Fait que ça fait longtemps là, qu'on a des cartes avec ce système-là. Oui, c'est pas d'hier. Là. Fait que... Bon, mais prochaine nouvelle. Apple a publié des offres d'emploi et ont fait l'acquisition auprès d'une compagnie montréalaise, Maya Systems, qui laisse à y penser qu'ils travailleraient sur iLife et iWork. Je ne l'avais pas vu passer, celle-là. Effectivement. Ben en fait, Maya Systems, c'est une compagnie de Montréal qui développe des interfaces, des GUI, en fait. Là. Mm-hmm. Comment on déplace les éléments... virtuel dans un environnement et tout ça. Et Apple a fait l'acquisition de 18 brevets de cette compagnie-là qu'on a contacté et qui nous ont gentiment dit qu'ils ne pouvaient pas parler. Fait que, ils viendront pas à l'émission. Ouais, c'est ça. On a essayé de les avoir. Ouais. Dire, hey, avant de vendre ces trucs-là, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Mm. Ben, on est en train de se préparer à vendre des brevets à Apple, fait qu'on ne peut rien dire. Et le fait aussi qu'il y ait des offres d'emploi, parce que iLife et iWork, ce sont quand même des logiciels qui datent de plus de 2 ans. La dernière version, c'est 2009. Ils ont fait quelques modifications pour le rendre compatible iCloud, puis c'est à peu près tout, là, je te dirais. Mais ces logiciels-là, en fait, qui étaient des gros arguments de vente du produit Apple à l'époque, sont comme laissés en plan. Là. C'est comme s'ils avaient développé iOS et tout ça, on en vend, bravo, tout ça, mais les gars revenaient un peu sur le Mac là, parce que ça fait pic-pic. Là. On commence à avoir des troubles bizarres, les systèmes d'exploitation, c'est comme moins excitant. Ah oui, j'ai hâte d'avoir... quoi, cet été, là. On va voir la nouvelle version, là. J'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir dedans, parce que sinon, c'est bien beau, là, mais 3-4 cossins, puis dire que c'est un que 200 améliorations... Non, ça, c'était le iOS, là. Mais qu'il y a comme, je sais plus trop combien d'améliorations. C'est 150. C'est 150. T'enlever un ou deux clics, ben, c'est une amélioration. C'est ça. Pour eux autres, c'est ça, exactement. Mais tu sais, il n'y a rien de... Il n'y a pas grand-chose dans Lyon, puis entre Lyon puis Mountain Lion, là. Non, okay. iMessage. Truc. Mais c'est comme si le vernis sur la compagnie, bon, à cause de... Tu sais, ils font encore des profits miracles, ils font encore des super bons produits. Les gens ont beau dire qu'Apple n'innove pas, je vois pas comme beaucoup de téléphones en train de torcher sérieusement le iPhone. Il y a des téléphones qui sont plus puissants, qui ont un plus gros écran, qui ont certaines fonctionnalités qui sont peut-être plus intéressantes, mais il n'y a pas encore de produit qui torche et qui tue le iPhone ou le iPad. Par contre, ça commence à être solide sur PC au niveau des offres logicielles. Il y a des beaux logiciels, il y a des développeurs qui commencent à avoir du goût sur la plateforme. Puis il y a des gens, même j'écoutais Léo Laporte dans le MacBreak Weekly, qui disait moi, j'ai plus tout à fait confiance à Apple d'être capable de rebondir puis d'arriver avec la prochaine affaire qui va te jeter par terre. Il faut faire attention. Apple, ces dernières années, ce qu'ils ont sorti qui jetait par terre, c'était du hardware, c'était le iPhone, c'était des nouveaux produits, des nouveaux segments de marché. Mais c'est une compagnie, en fait, qui se veut une compagnie de logiciels à la base. Donc, il faudrait qu'ils fassent des efforts de ce côté-là puis qu'ils améliorent ça. Puis, ça semble être le cas avec ces offres d'emploi-là et ces acquisitions-là pour faire des trucs comme ça. J'essayais de demander à un ami cette semaine, « Hey, que ce soit PC, Mac, n'importe quelle compagnie, t'en vois-tu de l'innovation? Tu vois tout ça? » Puis il dit non, il dit l'innovation qu'on voit, elle est sur Kickstarter en ce moment. C'est là qu'on voit les projets qui allument, qui sont simples, smart. Créer des X-Wing, tu trouves ça simple, toi? Ben ouais, mais faut créer le X-Wing parce que de l'autre côté, il y a un autre projet, lui, c'est pour l'Étoile de la Mort. Hein? Fait que si tu crées une Étoile de la Mort, t'as besoin de créer les X-Wing. Ouais, c'est vrai. Le gouvernement, il veut pas. Le gouvernement américain, ils l'ont. Ouais, mais. Ils en ont déjà une qui est cachée par la Lune. C'est ça. Ouais, c'est ça. La Corée du Nord, eux autres, ils en veulent une. Hein, c'est le Dark Side of the Moon. Ouais. Ouais, ça, d'ailleurs, ça va pas bien dans ce coin-là. Hein? Ça shake pas mal. Ben, tu sais, quand tu te dis, en fait, qu'une des cibles de la Corée du Nord pourrait être le Japon, tu sais, comme. C'est comme la seule place au monde qui a été touchée par une bombe nucléaire déjà. Mm-hmm. C'est comme une des 3-4 places au monde où est-ce qu'il y a eu un incident nucléaire. Puis là, il y a la Corée du Nord qui s'amuse à faire péter des missiles nucléaires. C'est parce que pour faire leur test, quand ils pitchent le missile il est obligé de passer par-dessus le Japon pour aller exploser dans comme une section par rapport du Pacifique où est-ce qu'il n'y a rien. Puis c'est comme les gars sont au Japon puis ils font comme OK, il y a quelque chose qui s'en vient. Ils ont déployé un avion pour vérifier des radiations. Le Japon a vérifié des radiations, puis ils ont confirmé. En fait, je pense que c'est la Corée du Nord qui a confirmé sur leur essai que ça a marché. Ils sortent des photos aussi avec des avions, puis c'est un montage Photoshop cheap. Là, non, ça vient pas d'un vidéo. Ça vient pas d'un jeu, ça? Je sais pas. Oui, c'est ça, ça venait d'un jeu. Ils ont comme. La Corée du Nord a juste pris le thème. Ils ont mis des espèces de musique weird avec des écritures en coréen, puis c'est fait. Et voilà la désinformation. Désinformation. Voilà. Parlant d'innovation chez Apple, ils ont, je ne sais pas s'il est coréen du Nord, je pense pas, mais ils ont engagé un monsieur qui s'appelle Chong Gil, qui est un expert d'écran AMOLED et qui travaille chez LG. C'est 9to5Mac qui nous apprend ça. Donc, c'est drôle parce que cette semaine, Tim Cook s'est fait poser des questions et il a vraiment été clair au niveau du développement d'écran OLED. Je pense que c'est une question qu'on lui avait posée directement. Et il a dit qu'il ne s'en allait pas dans cette direction-là, mais ils viennent d'engager un gars d'un autre côté qui est un expert de ces écrans-là. Donc, est-ce que ce gars-là, parce que LG est plus reconnu pour... il est reconnu pour ses écrans. C'est un gros développeur d'écrans. Ils font les écrans du iPad, entre autres. Ceux qui jaunissent, là, pas les bons. Les écrans Samsung... Il y a 2 pixels dans tous les coins des écrans Retina qui brûlent. Ah oui? Les miens sont comme ça, mais les écrans sont comme ça puis ils font pas de rappel. Fait que faut vivre avec. T'as 2 pixels de pété? Oui, dans tous les coins. Ben voyons. Dans tous les coins. Ça dérange pas, là, mais l'écran est fait comme ça. Il y a juste 2 pixels qui sont blancs qui se sont pas rapport. Bizarre. Je débarquerais là, moi, en temps. Moi la question que je me pose, en fait, c'est est-ce que ce gars-là aurait été engagé pour les écrans de téléphone, pour les écrans d'ordinateur ou pour les écrans de la télévision dont on parle? Puis que tout le monde dit « Ah, Apple va nous sortir une télévision 4K à 1 500 $ C'est parce que, champion, ce qui a été annoncé au CES, ça commence à 15 000 $. Ah, c'est ça. Ça, c'est le cheap pas bon avec les pixels dans le coin pété. Là. De Samsung, ouais, mais ce modèle-là. Ils ont sorti un écran touch qu'on appelait un iPhone, là, puis it was a revolution. Je veux bien, mais tu sais, faut que tu en fabriques en tabarouette. Il n'y a personne qui est capable de fabriquer des écrans 4K actuellement assez pour avoir des économies d'échelle. Commun, là, c'est ça, que le commun du mortel soit capable de s'acheter. Voilà. Ben c'est ça, le 100 milliards de dollars. Ils vont prendre sur eux, puis ils vont payer le 4 000 $ de plus. Est-ce que tu as pris tes médicaments, Vincent? Bon, Apple, ben on... Apple va dépenser son 100 milliards de dollars pour nous faire un cadeau. Ben oui, ils vont payer la différence. Clairement, c'est ça. Viens acheter ma télévision qui vaut 65 000 à 1 500 $. Ouais. Ils sont reconnus pour ça. Tu sais, comme si tes marges de profit descendent de 0,2, ton action prend comme 300 $ de débarque. Mais là, ils vont mettre le 100 milliards de dollars. Ben, en fait, une des choses qu'ils vont faire avec le 100 milliards, c'est ce qu'on a appris je pense que c'est l'État de l'Union. En tout cas, il y a eu un truc avec Obama récemment. Oui. Et Tim Cook était invité. Et Obama l'a remercié parce que Apple est en train de faire des moves pour rapatrier, en fait, des chaînes de production informatique aux États-Unis. De un, pour essayer de stimuler un peu l'économie. De deux, parce que ben, de l'autre côté, les frais de production commencent à monter et à monter. Puis qu'il y avait, en plus, avec les frais de transport et tout ça, ça commence à se ressembler au niveau des prix. Donc, autant faire travailler le monde aux États-Unis. En plus, ben, on en vend beaucoup ici, fait que on va pouvoir les distribuer plus facilement. Puis ce qui est intéressant, parce que ce que je lisais, c'est que la chaîne de production d'Apple va créer à peu près 200 emplois. Là. On s'entend que ce n'est pas à se jeter par terre, mais c'est que les partenaires d'Apple vont être poussés à venir ici, mais aux États-Unis, pour créer des chaînes de production à leur tour. Donc, je pense que c'est Quanta ou Foxconn qui entend parler là, peut-être de chaînes de production américaines pour ces compagnies-là. Donc, voilà. Une autre grosse rumeur. Avez-vous écouté le discours hier? De Obama? Oui. Non. Non, moi, je n'écoute pas ça. OK. Toi, je sais que tu t'intéresses pas mal à la politique américaine. C'était-tu bon? Étais-tu un... Hein? Oui, c'est intéressant. Oui, c'était le fun. C'était le fun. Ils ont parlé effectivement d'emplois, qu'il faut garder les emplois aux États-Unis, puis que... Non, c'était très intéressant. L'éducation, en fait... Le discours de l'Union, c'est vraiment leur projet pour les prochaines années. Comment ils vont se faire dire non par la Chambre? Parce que aussi, il faut dire qu'Obama, tu sais, il est quand même assez puissant quand même parce qu'il peut faire, ben, pas ce qu'il veut, là, mais je veux dire, il est quand même rendu à son deuxième mandat. T'sais. C'est comme, après, il est plus là. Fait que... pour ceux qui suivent pas vraiment la politique, ce qui est niaiseux, je trouve, là, au niveau de la politique américaine, c'est que vraiment... Il y a 2 chambres différentes. Il y a le Sénat et la Chambre des représentants. Mais le problème, c'est que d'un côté, ils sont républicains puis de l'autre côté, ils sont démocrates. Fait que quand il y en a un qui essaie de pousser quelque chose puis ça passe démocrate, ça passe pas républicain. Fait que c'est toujours comme ça. Puis en plus, si jamais il y a une niaiserie qui passe au niveau Sénat, c'est, en même temps, c'est normal, mais le président peut aussi mettre son veto là-dessus. Donc, finalement, tout se bloque. Puis je lisais de 2010 à 2012, donc la moitié du mandat d'Obama, ça a été la moins profitable du Sénat dans toute leur histoire parce que ils n'ont jamais pu prendre des vraies décisions. C'était toujours systématiquement bloqué par les républicains, d'ailleurs. Mais ça, c'est très, très partisan. Au lieu de prendre des décisions ensemble pour se dire, bon, on va faire avancer le pays, puis c'est ça qu'on demandait à Obama, là, tu sais, d'essayer de réunir tout le monde, puis que les Américains se retroussent les manches, puis qu'ils avancent. Bien là, la droite américaine est comme tellement frustrée qu'elle fait juste dire non à tout. Puis bon, c'est comme si chacune de ses décisions était mauvaise. C'est comme s'il n'avait rien fait, ce gars-là. T'sais, il n'a pas pris toutes les bonnes décisions, mais comme s'il n'avait rien fait pour améliorer la vie du monde. On se calme un peu. Ouais, je pense qu'on va revenir à Apple, par exemple. Une grosse rumeur qu'il y a en ce moment, c'est au niveau d'une iWatch. Donc, on a lâché un petit peu la rumeur à propos du Apple TV. On en entend moins parler. Surtout après ce qu'on vient de dire, là, que les écrans 4K sont à des prix complètement inabordables. Mais donc là, on est en train de dire, ben tiens, on va réduire la taille de l'écran. On va parler d'une montre qui est, à toute fin pratique, en fait, l'équivalent d'un fer à cheval en 1920, là, c'est-à-dire un truc qui s'en va sur le camp et qui est en train de disparaître. Mais 9to5 Mac a quand même un article. En fait, c'est une interview qu'ils font d'un ancien designer d'Apple qui explique pourquoi la montre d'Apple n'est qu'une question de temps. Il y a du monde qui vont dire non, Apple ne sortira pas de montre. Il y a du monde qui disent qu'ils vont en sortir. Ça a très bien sonné, ça. Ce n'est qu'une question de temps, puis tu parles de montre, là. J'aime le mot que tu as utilisé, là. Excuse-moi, là. OK, bien, j'ai traduit mot pour mot le texte. C'est pas toi qui... Ouais. Non, je suis juste épais, puis je l'ai pas vu. En fait, lui, il y a trois points, en fait, sur lesquels il appuie. Le premier, c'est qu'il explique qu'une montre, actuellement, ben ça tu sais, en fait, une montre, c'est un truc avec de l'électricité dedans, puis actuellement, c'est fait avec une batterie. Mais plus tu y fais faire de trucs à cette montre-là, plus elle va avoir besoin d'électricité, puis que ça ferait chier le monde d'avoir à charger leur montre. C'est vrai, moi, je recharge mon téléphone parce que sinon, le lendemain, il marche pas, mais j'ai un paquet de batteries de cossins que je peux charger à côté, puis j'oublie tout le temps de les charger. Donc, Apple aurait un brevet sur une méthode de recharge sans fil. Puis je sais pas, en fait, je l'ai pas vu passer, ce brevet-là. Est-ce que c'est vraiment à distance, c'est-à-dire tu le mets dans, tu sais, en quelque part, mais général, puis ça se recharge avec, je sais pas, un Tesla coil ou quelque chose comme ça. Puis il faut pas que tu passes quand ça recharge parce que tu risques d'avoir les cheveux dressés à la tête. C'est ça. Mais si c'est juste par induction, c'est-à-dire un produit qui touche un autre produit, puis là, ça recharge. C'est pas, tu sais, avec le nouveau Lightning, là, c'est pas le fait d'avoir à brancher quelque chose qui est vraiment dérangeant de toute façon. Le deuxième aspect, c'est que lui dit qu'Apple a un brevet sur les écrans courbés. Pourtant, c'est pas Apple qui produit des écrans. Et actuellement, en fait, il y a peut-être quelques compagnies qui en font, mais moi, c'est Samsung que j'ai vu au CES avec un écran mou qui était capable de se courber. Donc, on prétend que parce que l'écran se courberait, ben les gens apprécieraient beaucoup plus parce que ça prendrait la forme du poignet. À ma connaissance, en fait, je vais revenir à ça un petit peu plus tard. Son troisième aspect, c'est Siri, en fait, qui serait dans la montre. Puis là, il n'y aurait pas besoin de rajouter un paquet d'interfaces, puis de ci, puis de ça, puis de touchscreen, puis de blablabla. Bla, bla. On le sait, Siri n'est pas encore un produit qui est prêt à contrôler tous les aspects d'une machine. Là. Tu peux pas parler à Siri comme Tony Stark parle à Jarvis. Là. On est loin de là. J'aurais plus confiance entre le service de Google que Siri, moi, dire franchement. Ben, on a fait des tests sur le téléphone à Vincent, puis c'était pas, ça torchait pas autant que les vidéos qu'on a vues sur Internet. Là. Ben, en ce moment, mon Google Now, le Google ne fonctionne même pas. Là. OK. C'est juste directement dans Google. Fait que quand tu parles, la question va directement dans le moteur de recherche. Il n'y a pas de réponse avec la voix, puis il n'y a pas l'espèce de widget sur mon HTC à moi. Mm-hmm. C'est un modèle de cette année ou de l'année passée. Là, c'est pas. J'ai Jelly Bean. Là, OK. Je sais pas qu'est-ce qui arrive. Là, mais... Mais bref, qu'est-ce que cette montre-là pourrait être? OK. Qu'est-ce qu'elle pourrait régler comme problème? Qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que recharge sans fil, brevet sur écran courbé, puis Siri. Écoute, le grand, n'importe qui est capable d'arriver avec ces idées-là. Puis juste en lisant ça, je trouve que c'est épais, puis je comprends pourquoi tu es un ancien designer de Apple. Mm-hmm. À quoi pourrait servir? En fait, qu'est-ce qui serait cool que la montre soit capable de faire? Le rêve de tout le monde, c'est qu'il y ait une caméra dedans, puis qu'on puisse l'utiliser à la Dick Tracy ou à la Sophie dans Inspecteur Gadget. Désolé, tu ne comprends pas la référence, Vincent. Donc, avoir une caméra dedans pour faire du FaceTime avec ta montre. Quitte à ce qu'elle utilise, en fait, la bande passante fournie par ton téléphone. Donc, moi, ça ne me dérange pas qu'elle soit connectée en Bluetooth 4.0 à mon téléphone puis que tu puisses regarder dans ta montre. Est-ce que ça règle vraiment un problème du téléphone? Non, c'est juste un cool factor. C'est juste quelque chose de drôle. On sait qu'une montre, ça sert à donner l'heure puis que 90% du monde, maintenant, en ont plus parce que de toute façon... ils ont le tic d'aller voir leur téléphone aux deux minutes, puis voilà. C'est comme ça qu'ils vont chercher l'heure. En fait, ils sortent le téléphone de leur poche en disant « Oh, je vais juste regarder l'heure », puis 4 heures plus tard, ils leur mettent plus de batterie dans leur poche en se disant « Oh fuck, elle a été longue, ma game de Temple Run ». Moi, ce que je me dis, c'est que si Apple éventuellement sort une télévision, on a toujours dit qu'il y aurait Siri dans la télévision. On a toujours dit aussi que Apple voulait se débarrasser, là, ils ont crack the code, c'est l'expression qu'ils ont retenue dans la biographie de Steve Jobs. Donc, il disait « Steve's cracked the code of the television ». Donc, tu as deux façons de faire un micro, parce qu'il faut que Siri t'écoute sur une télévision. C'est soit faire un micro à distance que donc la personne a sur elle. Là, tu ne règles pas le problème de la télécommande. Tu as juste une télécommande dans laquelle tu parles. Ou sinon, tu mets un micro sur la télévision. Mais à ce moment-là, on le sait, quand Jean-François recule juste un peu son micro, ça prend tellement de bruit ambiant que c'est pas agréable. Donc, comment un micro loin serait capable de comprendre correctement des commandes qu'on lui donnerait alors qu'il prend le bruit d'ensemble? Puis quand tu es plusieurs devant la TV, tu essaies de changer de poste, tout le monde parle. En tout cas, dans Belle Famille, ce serait impossible. Tu sais, tu mets ça au 7, puis... tu ne changes plus de poste. Non, c'est ça. Donc, la montre serait un truc que tu portes au poignet, puis tu peux y parler. Ils mettent un micro dedans. Fait que ça règle ton problème. Tu n'es pas tout le temps en train de chercher ta télécommande. Tu l'as au poignet, puis tu donnes des commandes à ta montre. T'sais. Fait que ça pourrait régler une problématique. Mais t'sais, tu t'achètes pas une montre pour être la télécommande d'une TV non plus. Mmh. Fait que, tu sais... Puis les montres Pebbles qui s'en viennent, ils vont être chippés incessamment, c'est fait pour recevoir en fait sur la montre, pendant que ton téléphone est ailleurs, dans ton manteau d'hiver, à un endroit où est-ce que tu ne sens pas les vibrations ou tu ne l'entends pas, c'est pour recevoir tes notifications de « t'as-tu reçu un appel, t'as-tu reçu un SMS, t'as-tu reçu un message email? » Encore là, est-ce que la montre de Apple pourrait faire la job. Des montres dans ce genre-là, il y a beaucoup de modèles au CES qui ont été présentés. La Pebbles, dont on parle beaucoup dans ce podcast, est un modèle qui est à un prix relativement raisonnable, c'est-à-dire un prix qui ressemble à un prix de d'autres montres, autour de 125 $. Les autres modèles qui ont été présentés au CES, qui font quelques-unes des fonctionnalités dont j'ai parlé, c'est-à-dire vont peut-être avoir une entrée pour les écouteurs, peut-être même avoir une caméra dessus, ils vendent ça autour de 400$. C'est pas achetable. Il n'y a personne qui va s'acheter une caméra là-dessus. Ouais. En fait, si Apple fait un produit comparable, à 400$, ils n'en vendront pas, surtout qu'ils veulent faire de la marge dessus. Ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils vendent un produit à peu près le même prix que l'Apple TV, autour de 99$. Puis, est-ce qu'ils vont être capables de produire un produit? L'autre chose qu'il faut se souvenir, c'est que Apple avait un produit qui servait de montre, dont les, en fait, que les gens ont adopté comme étant une montre. Ils rajoutaient un bracelet. Il y a un paquet de housses, bracelets de montre qui sont sortis. C'était le iPod Nano qu'ils ont fait carré avec un écran touch dessus et qui a bizarrement, dans un move qui est considéré comme un recul de la part de Apple, ben, ils ont reculé puis ils sont retournés à un profil un petit peu plus comme les autres modèles de iPod Nano qu'ils avaient à l'époque. Donc, un écran un petit peu plus grand, le modèle un petit peu plus rectangulaire. Ça ne peut plus du tout être une montre. Ça serait laid, là, ça serait un paquet de chiclets sur le bras pour montre. Donc, est-ce que Apple a retiré ce iPod-là pour le remanier un peu, mettre une puce Bluetooth dedans, peut-être une caméra, peut-être un lien d'écouteur, puis éventuellement le sortir? Ben, tu sais, c'est une question qui se pose, je pense. Fait que je ne sais pas s'il va avoir une iWatch, mais je ne vois pas Apple sortir ce type de produit-là. C'est un produit ringard. C'est poche, une montre. Ouais. Tu sais, puis... Ben, c'est poche. En même temps, le don d'Apple, c'est de rendre quelque chose de poche le fun. C'est dans leurs derniers produits, c'est ça qu'ils ont fait, finalement. Tu sais, un téléphone, Facebook, Twitter, c'était pas vraiment... c'est pas vraiment ça, mais aller sur Internet, sur un téléphone, avant, là, c'était de la job. Là, là maintenant, c'est... je veux dire, c'est le quotidien. C'est clair, les mais... tablettes, tu sais... C'est un produit qui avait à être transformé, à muter en quelque chose de meilleur, le téléphone. La montre, elle, c'est un produit que le téléphone cellulaire a complètement détruit. T'sais. Je veux dire, James Bond porte encore une montre parce qu'elle vaut 10 000 $ puis que c'est un Omega, puis c'est un bijou plus qu'un appareil. Ben puis, oui. Le lecteur de disquette, c'était ringard, paf, ils l'ont tué. Le lecteur de CD, c'était ringard, ah, ils l'ont tué. Fait que la montre, pour moi, ça semble pas être une avenue prometteur pour Apple. Il y a eu un buzz à cause du produit Kickstarter. C'était innovant. Ça venait d'une compagnie dont on n'a jamais entendu parler. Le prix semblait bon. Mais de là à dire, c'est un secteur de marché que Apple veut prendre. Regarde, là, tu sais, ils vont quoi? Ils vont planter Timex, puis Swiss Watch, puis... ça m'étonnerait. T'sais. C'est pas. En tout cas, je mettrais pas comme toutes mes billes là-dedans, moi, la montre de Apple. Ouais. Bon, on va. Mais si en sort une, on va aller l'acheter. Ben, c'est sûr qu'on va faire un line-up pour ça. Ouais, c'est sûr, certain. Là, je l'achète. Ça dépend. À 400$, non. À 100$, 150$. 150$, je suis correct. Mais à 400$, voilà. Oublie ça. Moi, oui, c'est ça que tu vas dire, mais quand tu vas être le premier en ligne, tu vas dire. Non, pas à 400$, moi, c'est sûr, je vois pas là. Je vais dire, acheter un câble. OK, next one. On a Evasion, le système de jailbreak pour les systèmes iOS 6 qui a fait un téléchargement record en 4 jours, 7 millions de téléchargements de leur application. C'est du jamais vu. Effectivement. C'est quand même un produit qui était attendu depuis longtemps. Mm. Biwa, qui est un collaborateur en fait, qu'on a eu au début du podcast, qui est venu à quelques émissions, qui est un fan, lui, des produits des produits BlackBerry. C'est un gars qui a la foi. Je sais pas. Il posait la question cette semaine, en fait, pourquoi les gens jailbreak leur téléphone? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, tout ça? Puis j'ai dit, c'est des curieux, c'est des gens qui veulent aller jouer dans le cambouis, puis tout ça. Puis quand le chiffre de 7 millions est sorti, il a dit, vraiment, 7 millions de monde qui veulent juste comme essayer. Ce qu'on n'a pas, par contre, c'est les gens qui l'ont téléchargé, qui l'ont peut-être essayé, mais qui sont revenus, en fait, à un téléphone. C'est ton cas, toi, Jean-François? Non, regarde, je l'ai remis. T'as remis le jailbreak? Ouais, OK, tu l'as enlevé? Oui, je l'ai enlevé puis je l'ai remis. Pourquoi? Parce que je voulais voir s'il y avait un problème de batterie entre la version légale et la version ouverte. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'applications qui roulent en arrière de ça. Mm-hmm. Puis j'ai pas vu de différence, alors fuck off, je vais remettre le jailbreak dedans. Fait que, OK. Puis j'ai tout été rechercher mes applications. Là, fait que... Mais là, je suis en réflexion si j'achète le Intel Screen ou pas, ou ce que je reste avec, avec le screen de Apple, là, ou si je vais acheter le Intel Screen. Je sais pas encore si je vais le faire. Fait que je vais voir. Mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ils ont corrigé des nouvelles erreurs aussi cette semaine. Il y avait des problèmes, je pense, avec. C'était-tu l'heure? Il y avait l'heure. La température, weather. Mais l'heure est pas. Quand vous le faites, moi, quand je l'ai fait, c'est hier, ce que je l'ai fait. Ouais, hier. Il était comme genre minuit, mais ça m'a affiché 5 heures. Okay. Quand il a fini de démarrer, ça m'a affiché 5 heures, puis il s'est remis automatiquement à minuit. Fait que j'avais jamais vu ça. Puis le système, il est quand même assez stable depuis les dernières mises à jour, à part un logiciel que j'utilise qui s'appelle OXO, qui est, je sais pas si on peut le voir, ma barre de tâches en bas est plus grande. Moi, je vois qu'est-ce qui est à l'intérieur de mes applications. OK. Ça fait planter, mais ça fait repartir le springboard, ça fait repartir l'interface complet. Il va y avoir une mise à jour éventuellement. Oui, éventuellement, c'est ça. Tu sais, j'ai toutes mes options déjà, mais comme genre à la SB Settings, là, ceux qui connaissent ça sont toutes là. Fait que je peux tout activer. À part ça, ça va bien. Moi, l'application je me sers souvent, c'est BitSMS là, pour mes messages. Fait que, très bon logiciel. Faudrait faire un showdown à un moment donné parce que, il y a iMessage, ouais, que moi je trouve qui fonctionne très bien pour les SMS. Par contre, il y a peut-être un certain manque de fonctionnalité. Je sais que Byte SMS te permet d'avoir des dossiers, de classer, un peu de gérer tes SMS à la façon de email. Puis un autre logiciel qui, moi, ça me flabbergaste, mais le premier logiciel payant depuis je sais pas combien de temps, puis il s'en va jamais là, des dispositions, c'est WhatsApp qui est tout le temps. Ah, il est tout le temps là, lui, je sais pas pourquoi. Puis, tu sais, ça veut dire qu'ils en vendent, là. Ils vendent quoi à 2$, ce logiciel-là? Puis, il est tout le temps dans les premiers, tu sais. Mm. C'est fou. C'est une plateforme, c'est multiplateforme. C'est un logiciel qui est multiplateforme qui permet, en fait, de faire une espèce de BlackBerry chat ou, c'est des chats, finalement, entre téléphones, mais. C'est quoi? C'est tous les flows qui téléchargent ça parce que ils ont un peu de bande passante. Ils veulent pas payer pour un forfait SMS. Fait qu'ils utilisent ça puis ça fait ou en tout cas, je me demande comment ça se fait. Bernard est un peu de mon avis, là. Il dit que c'est les ados qui achètent ça pour justement pas avoir à payer un forfait de SMS. Ouais, mais un forfait de SMS. C'est toujours la faute des ados, hein? Non, mais je m'excuse, mais un forfait SMS, là. Quelle compagnie qui... Bon, il y en a là, d'un forfait là, qui ne donne pas les SMS, là, mais je comprends pas qu'en 2013, que tous les forfaits, les SMS devraient être inclus illimités. Là. C'est comme... C'est d'un ridicule. Là. C'est comme, des fois, tu envoies 500 SMS par mois. 500, Chris Dunlis, tu sais. C'est quoi? C'est comme... C'est vraiment n'importe quoi, là. T'sais. C'est comme... C'est en 2013, le gros, là. Fait que... Mais pas, ça prend quand même, tu sais, du... Pas du data, mais ça circule sur le réseau. Oui, je sais, mais on s'entend-tu que avec l'arrivée de iMessage, les compagnies, ils doivent-tu avoir baissé en message texte de carrier et non par Apple? Probablement, sauf que à travers tout le monde entier, le SMS est utilisé depuis beaucoup plus longtemps. Nous autres, nos communications, pour plein de raisons, on n'utilisait pas le SMS, on commence à l'utiliser. Hein. C'est ça. C'est ça exactement. Il n'y a pas une recrudescence, mais ça monte beaucoup. Là. D'année en année, le SMS ici, c'est pas mal plus utilisé. Fait que, d'après moi, comme ils voyaient ça venir puis ils se sont dit, tiens, on va essayer de faire la pièce là-dessus. Mm. Moi, je suis d'accord avec toi qu'ils ne devraient pas charger pour ça, mais c'est sûr qu'on se dit tout le temps qu'ils ne devraient pas charger pour rien, mais en même temps, c'est des compagnies qui fassent de l'argent. Exactement. Next one. Après cette parenthèse, Ouais, je vais la compter, OK? Ouais, vas-y, vas-y. La semaine passée, on était en discussion avec... j'étais en discussion avec Vincent et Alexis sur iMessage et j'ai installé la dernière version bêta de 10.8.3. Et moi, comme un innocent qui ne savait pas que... fallait que ça allait faire ça. Que ça allait faire ça. J'ai fait sur le iMessage, j'ai fait le file 2.//. Et ça a fait planter le iMessage de Alexis et de Vincent. Qui n'était pas sur 10.8.2.3. 0.3, exactement. Mais moi, je pensais qu'il fallait que la personne tape lui-même la fameuse ligne. Je pensais pas que le système fallait qu'il. Juste en le voyant, aurait planté. Fait que je sais pas si je le tape là. Je sais pas si je le tape dans le chat que là, tout il va monde. Planter. C'est ça, je sais pas s'il va planter dans Safari, tu sais. Mais oui, moi, je pense pas parce que c'est transformé. Non. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est ça. Bon, le file 2.//, c'est un bug qui a été découvert que si tu le rentres dans la plupart des applications sur ton Mac, elles vont planter, sauf quelques-unes, par exemple Firefox. Donc, les blogs qui en parlaient de ce bug-là étaient obligés soit de trouver des manières détournées de décrire le truc ou soit carrément d'utiliser Firefox pour écrire leur article, même si c'est pas ça qu'ils utilisaient d'habitude. Donc, qu'est-ce que ça fait? Tu tapes file 2 points avec le F majuscule, ouais, faut que ça soit //, et ça fait planter l'application. Elle fait juste comme arrêter de fonctionner. Moi, pendant la journée, j'ai écouté MacBreak Weekly mercredi passé, qui était sorti. Puis René Ritchie de iMore est invité sur le show et il explique, il le dit, que si tu fais ce truc-là et que tu l'écris dans iMessage et que tu l'envoies à quelqu'un, ben le iMessage va comme de la personne va comme être contaminé. Fait qu'on est en train de jaser, je suis sur mon ordinateur, puis tu sais, un moment donné, mon iMessage fait juste comme disparaître. Puis là, j'ai l'affiche qui dit « Voulez-vous annoncer ça à Apple? » Puis là, je fais « Asti de moron. » Je vois mon téléphone, puis je vois, parce que ça fait pas planter sur le téléphone. Fait que je vois sur mon téléphone qu'il y a écrit « File 2.../. » Donc, c'est pour ça que mon iMessage a planté. Mais l'affaire, tu sais, c'est parce que moi, j'ai accès au bêta que j'installe pas d'habitude. J'y vais de temps en temps quand c'est des grosses versions, puis tout ça. Là, je l'avais pas fait. Puis ton message, c'était exactement ça. C'était le bug de file 2.//, est réglé sur 10.8.3. Fait que là, je vois ça sur mon téléphone. Je fais OK, j'installe 10.8.3. Je rouvre iMessage. Effectivement, il n'y a pas de problème. Sinon, on est obligé de faire quoi, en fait? Faut resetter les conversations? Faut fermer iMessage? Tu l'as-tu fait, toi, Vincent? Moi, je l'ai fait. Ça m'est arrivé aussi. J'ai reçu l'affaire de Mac. Mais. Par contre, moi, la petite différence, c'est que GF, quand il l'a envoyé, je l'ai vu sur mon téléphone en premier. Puis ensuite, quand j'ai ouvert mon Mac, il y a une conversation qui s'est installée entre les deux. Donc, faisant en sorte que quand j'ouvrais mon Mac, l'application Message, il n'apparaissait pas en premier. Il fallait que je recule un peu. Dès que je reculais, ça plantait. Ça n'apparaissait pas d'un coup. Donc, j'ai pu juste prendre la conversation, effacer la conversation, puis c'était fini. Ah, OK. Mm-hmm. Excellent. Ah, ben écoute. Quand le 10.8.3 va sortir, ça va être réglé. Ça a été corrigé dans le dernier build qu'ils ont sorti. Fait que... Excellent. Sinon, les applications de la semaine, puisqu'il est quand même 11h. Il est quand même tard, effectivement. Ouais. Donc, on l'attend encore. Il y a quelques personnes qui l'ont reçu, mais l'application Pebbles pour la montre est sortie. Je pense que ça fait quelques semaines. Je pense qu'on avait même parlé au dernier podcast, mais elle a été mise à jour. Oui, ils ont rajouté des nouveaux thèmes à l'intérieur. OK. Parce que c'est ça, cette application-là, en fait, c'est l'application qui va gérer les thèmes, à quoi va avoir l'air ton horloge, tes trucs comme parce ça. Parce qu'il n'y a rien qui se passe sur la montre. Là. Tu peux pas rien programmer sur la montre. Là. Ça prend absolument l'application. Puis, c'est ça. Fait qu'elle a été mise à jour. Si vous voulez, si vous attendez comme Alexis, votre Pebble, qui va arriver sûrement comme mailbox au Noël des campeurs. c'est ça. Il fallait faire la petite mise à jour. Une autre application qu'on a parlé au dernier podcast, que Alexis, il était supposé de l'installer, mais il ne l'a pas encore fait. Mais on va en reparler au prochain. l'application ProCut X qui permet de contrôler à partir du iPad Final Cut Pro X de Apple. Moi, cette application-là, je la trouve juste belle. J'ai vu les screenshots. Elle est vraiment chouette. Ça a l'air d'une interface futuriste et tout. Puis c'est en fait un paquet de raccourcis vers des fonctionnalités importantes de Final Cut. Final Cut Pro 10, et tu t'appuies sur tes trucs. Tu as même un juggle en plein milieu qui est un bon juggle. Ça peut valoir 200-300$, un truc comme ça. Ouais. C'est un bouton qui tourne, mais qui te permet d'aller faire des sélections très, très précises au niveau des frames que tu utilises. Donc, voilà, c'est pratique. Sur un iMac ou sur un MacBook Pro, c'est assez difficile de reproduire ça au niveau à l'écran, à la souris. Fait que, avec justement un écran tactile, c'est parfait. Mm-hmm. Tout à fait. Ça utilise le même concept, genre que les tables de DJ. Là. Il y a des applications de DJ qui sont sorties. Fait que tu peux avoir deux tables tournantes, faire du scratch puis tout. Là. Fait que ça reprend probablement un petit peu le même truc. iMovie qui a eu une mise à jour pour iOS. Oui. Qu'est-ce qui a été rajouté? Trois nouveaux thèmes que je n'ai pas encore essayé, que je vais essayer au prochain jour. Corrige un bug relié avec l'importation de vidéos de la bibliothèque et permet maintenant de diffuser en 1080p sur les plateformes YouTube, Vimeo puis Facebook. Avant, il n'était pas supporté, il était juste en 720. Ouais. OK. Puis maintenant en 1080, fait que ça va être plus long à télécharger, mais bon. Ça, c'est le genre de truc que quand Apple fait ça à la sortie d'un logiciel, tout le monde il s'arrache la tête, puis on n'est pas capable de faire du FaceTime sur le réseau LTE, on n'est pas capable d'uploader sur YouTube en 1080p. Si Apple n'a pas voulu le faire, c'est parce qu'il estimait en fait qu'il y avait un des composants de la chaîne qui n'était pas assez solide pour le faire, puis que l'expérience utilisateur n'allait pas être intéressante. Dans le cas dont on parle, mettons FaceTime, ben les réseaux d'OTT, s'il y avait permis ça sur le réseau d'OTT il y a comme 2 ans, probablement que ça aurait détruit le réseau. Je ne suis pas sûr que tout le monde se serait mis à l'utiliser du jour au lendemain, mais ils ont attendu en fait que le réseau soit plus solide. C'est pour ça que ça a pris du temps. Fait que probablement que l'upload à 1080p, ben là, les réseaux sont un petit peu plus solides, YouTube fonctionne un petit peu mieux, tout ça. Donc, probablement que c'était pas que l'appareil n'était pas capable de le faire, mais c'était juste que eux autres, ils trouvaient que ça n'allait pas être intéressant de le faire à ce moment-là. Mais tu vois, ils font une mise à jour, puis ça vient. Voilà. Bon, sinon, la prochaine application. Ça, je l'ai dit, j'ai commencé à écouter MacBreak Weekly, et à la fin... À la fin de l'émission, puis peut-être que c'est ce qu'on va faire aussi. On va transformer en fait les applications de la semaine à peu près dans le même thème que MacBreak Weekly. C'est les Pick of the Week. Fait que c'est, tu as trouvé une housse intéressante, tu as trouvé un logiciel iOS intéressant, tu as trouvé un accessoire intéressant, tu as essayé un truc puis tu as trouvé ça. Bon, fait que tout le monde y va de son Pick of the Week. Et celui de Léo Laporte la semaine passée, c'était Space Team. Fait que en gros, en fait, j'avais pas tout saisi ce qu'il disait, mais c'était un jeu que tu jouais à plusieurs, dont les téléphones se connectaient en Bluetooth. Et le soir où j'ai écouté le podcast, on est allé souper, moi, Jean-François, et il y a Patrick Ducharme qui était à Montréal. On est allé prendre une bouffe, c'était super cool, on est allé chez Pacini. Puis, à un moment donné, je leur dis « Hey, les gars, installez Space Team ». Fait qu'ils vont télécharger ça, on bisoune un peu avec, finalement, ça se connecte sur le réseau, on comprend pas trop qu'est-ce que c'est, puis on a... en fait, c'est hyper niaiseux, les graphiques sont dégueulasses. Ben ouais, c'est laid comme... C'est des Switch, OK, ouais. Qui ont des noms un peu n'importe quoi, un peu ringard de style... là, c'est Leftover, il y a Lutrus Plus Neck, c'est des noms de Switch dans des vaisseaux spatiaux des années 60 dans des séries télé, tu sais. Puis, ce qui se passe, c'est que tes téléphones sont connectés ensemble et tu reçois comme des ordres. Mais les ordres apparaissent, c'est comme si on était, mettons, moi, Patrick et GF, trois gars, mais tu sais, dans un vaisseau spatial, il y a plein de Switch. Trois consoles différentes. C'est à trois consoles différentes. Ouais. Et là, tu reçois des ordres sur ton téléphone, mais c'est peut-être pas toi qui a la Switch. C'est ça. Fait que faut que tu gueules l'ordre. Faut que tu dises, OK, mettez le tel Switch à deux, genre. Puis là, faut que quelqu'un, genre JF ou Patrick, checkait sur son téléphone. Puis, OK, je la mets à deux. Puis là, tu vois, il y a comme une espèce de timer. C'est super stressant. On a ri. Ça avait pas de bon sens. On était dans le restaurant, puis on se hurlait les commandes. C'était fucking drôle. Il y a justement une mise à jour, hein, là. Ah oui? Ouais, elle vient de sortir. Là. Oh, shit. Sorti aujourd'hui, là. Fait que... OK, on va aller chercher ça. Mais ça se joue de 2 à 4 joueurs. Vraiment, Space Team, en un seul mot, c'est crissement drôle. Tu veux casser la glace avec quelqu'un, là, puis genre, tu vois, il y a une fille cute, mettons, à une place, tu veux y parler, tu dis, hey, check, va télécharger Space Team. Tu joues à ça, est-ce que tu vas te bidonner, là, ça n'aura pas de bon sens. C'est peut-être pas un bon exemple que je donne, là. Moi, je ferais ça, mais c'est peut-être pas tout le monde qui. Mais téléchargez-le, ça vaut vraiment la peine. Oh, ouais. Sinon, messieurs, est-ce que vous savez ce que c'est que ceci? Ouais, montre-moi les dents. Ah oui, j'ai hâte de l'avoir. Tu sais quoi, Vincent? Oui. Ça a pas rapport avec une télé? Oui, ça a rapport avec une télé. En fait, c'est... et peut-être qu'on les recevra... en fait, on est en train de s'arranger pour les recevoir à la prochaine émission. C'est une application qui est sortie autour du mois de décembre. Et ça s'appelle TubeTime. Et c'est une compagnie montréalaise qui a sorti l'application. Donc, eux, c'est trois choses en même temps, en fait. C'est un guide télé. Et comme la compagnie est montréalaise, ben ça soutient, en fait, tous les gros diffuseurs, tous les câbles aux distributeurs canadiens, parce que l'application n'est que canadienne pour l'instant. La deuxième chose que ça fait, c'est que ça permet d'utiliser son téléphone ou son iPad comme un second screen. C'est comme un outil de second screen ou de second écran, qui est une espèce de concept qui dit que les gens écoutent la télévision et utilisent un deuxième écran pour commenter sur les médias sociaux. Donc, c'est ce qui fait que la télévision est encore pertinente parce que tu veux écouter un show de télé en même temps que tout le monde. Fait que c'est comme un rendez-vous plutôt que d'être assis devant ta TV à écouter tout le monde en parle parce qu'ils ont décidé que c'était le dimanche soir. Tu l'écoutes le dimanche soir, mais tu partages ça avec d'autres gens, dont des gens qui étaient invités au show. Et donc, un guide télé, un outil de second screen, et ils vendent, moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, ils vendent ce petit bidule, une dizaine de dollars, et moi, ils me l'ont envoyé très vite. Je l'ai commandé la semaine passée et je l'ai reçu. Et ça permet, en fait, c'est niaiseux, c'est un capteur infrarouge. Fait que ça transforme ton téléphone en télécommande pour ta télévision. Fait que en un seul outil, tu as la télécommande, puis je pense en fait que tu peux programmer un gros paquet de périphériques. C'est comme la... rouge. C'est comme la L5 Remote. Oui, exactement. C'est... Mais moins cher. La L5, c'est ça, il y a à vendre 40$, 50$. Là. Ça doit être 50$. C'est ça. Sauf que la L5, elle est connectée sous le téléphone. Oui. Puis, attends, c'était quoi? Oui, eux autres, ils ont eu une bonne idée qui s'est avérée une mauvaise idée, d'après moi. Je ne l'ai pas encore testé, mais si on se souvient bien, sur un iPhone 4 ou un iPhone 4S, le connecteur, parce que ça ne se connecte pas avec le dock ou avec le connecteur en dessous, ça se connecte avec la prise d'écouteurs. Et sur l'iPhone 4 ou 4S, ben, en fait, la prise d'écouteurs, elle était sur le dessus de ton téléphone. Fait que tu branches ça sur le dessus, tu le pointes vers ta télévision, puis tu fais ce que tu as à faire avec la télécommande. Parce que de l'infrarouge, si je ne me trompe pas, ça doit être dirigé vers... Tu sais, ils doivent se voir, là. Tu sais, ils peuvent spreader, là, mais... Tu peux le faire de même aussi sur le mur, mais il va fonctionner. Mais si tu le fais comme ça sur toi, ça ne marche pas, là. OK. Mais l'affaire, c'est que là, on est obligé de le connecter sous notre iPhone 5. Puis s'ils avaient fait quelque chose qui se branchait en Lightning, ben ça aurait été la même chose. Fait que, d'après moi, ils se sont dit, OK, le problème avec les bidules qui se connectent en dessous, c'est que ben, tu tiens un peu ton téléphone à l'envers ou c'est un peu n'importe quoi. Fait que nous autres, on va le faire pour le mettre sur le dessus. Puis j'ai comme l'impression que quand Apple a sorti son téléphone avec le connecteur sur le en dessous, ben là, ils ont comme été fourrés. Mais on leur posera la question. De toute façon, on essaie de les inviter pour la semaine prochaine. Puis d'ici là, je vais avoir le temps de... Je l'ai reçu J'étais arrivé en soirée, j'étais allé à la boîte à mal, puis je l'avais reçu dans une petite enveloppe avec les instructions en français. C'est super. Fait que je vais plugger ça, puis tranquillement, je vais la programmer pour... Ouais, moi aussi, j'attends ma confirmation de réception, là. Je suis bien content de tout le temps. Écris-leur sur Twitter. Je sais pas, moi, j'ai trouvé que c'était bien, bien rapide. Puis, d'après moi, tu ne l'as pas commandé bien, bien plus tard que moi. Non, je l'ai commandé en fin de semaine. Moi. OK. Fait que écris-leur sur Twitter. Ils sont... C'est quoi le Twitter? At TubeTime. Ah, OK. C'est bon. Okay. Puis, parlant de petits gizmos comme ça qui se connectent à votre téléphone, je suis passé au Apple Store cette semaine et ils vendent l'adaptateur Square pour passer les cartes de crédit. Ils le vendent 10$ en magasin. Il est gratuit si vous y allez directement avec le site web, mais si vous en avez besoin d'un rapidement... Oui, mais ils te le remboursent, ton 10$. Hein? Comment ça? Ils te le remboursent sur ton compte. C'est vrai? Oui. Ouais, je me suis informé. Fait que ça change pas grand-chose si tu le fais venir sur Internet, tu vas l'avoir gratis, mais si tu l'achètes à 10$, ils te le remboursent sur ton compte quand tu vas faire ta transaction. C'est peut-être juste pour le sérieux, en fait, parce que ou sinon, si c'est gratuit, il y a comme tout le monde qui va se présenter à un magasin. Bien vu. Ils te le créditent. Je l'ai vu passer quelque part. Je pense que c'est Catherine Matisse qui l'a dit. Tu rentres au Apple Store, tu te prends comme une tablette au complet, puis tu pars avec les squares. Là, ouais, comme, c'est ça. Ouais, mais là, c'est plate. Mm. Ouais, mais c'est gratis, fait que ta gueule. Mm. Il y a du monde qui ferait ça. Bon, sinon, l'application, c'est Radio, c'est quoi? Ouais, ça fait longtemps quand même que c'est sorti, Radio. C'est quoi? Ben, c'est pas moi qui l'ai rajouté. C'est une mise à jour d'application. C'est une mise à jour d'application. Qui permet quoi, en gros? Je sais pas. Sérieusement, je pensais que le service n'était pas disponible au Canada au départ. Fait que moi, j'ai découvert le service tantôt, puis j'ai vraiment aimé le service, là. OK. J'ai vérifié au niveau de la mise à jour. Je sais que de NextWeb en a parlé. Ça fait longtemps, moi, que je suis membre de Radio, puis il me semble que cette semaine, j'ai vu une recrudescence. C'est comme si beaucoup de monde était tombé sur le service. Peut-être qu'ils ont sorti une mise à jour, peut-être celle-là, qui fait que l'application, ils ont le killer feature que tout le monde attendait, ou peut-être qu'il y a eu un killer feature qui a été mis dedans, puis les sites en ont plus parlé, donc les gens se sont plus abonnés. Mais moi, j'ai eu beaucoup de monde cette semaine qui ont commencé à me suivre sur Radio, alors que j'utilise à peine le service, mais je pense que je vais y jeter un coup d'œil. Ça semble être intéressant. C'est un service de streaming de musique et de découverte musicale, c'est ça? Exactement. On peut écouter des albums complets. C'est un peu comme un Spotify. Ça ressemble à un Spotify. Donc, c'est ça. Moi, j'ai redécouvert des chansons que... Écoute, je ne sais pas si vous connaissez S Club 7. S Club. Ça fait partie de ma jeunesse. L'album est là, puis je l'ai écouté, là, c'est vraiment... On s'entend. Moi, j'aime ça. C'est un groupe à la... Bon, c'est un groupe fabriqué anglais, S-Club. Ouais, et pour faire connaître, en fait, le groupe, ils ont fait une espèce de fausse télé-réalité, parce que assez mauvais. Un peu à la Brady Bunch. Non, les filles étaient vraiment cute. Ben, parle pour toi, là, mais bon. Ouais. Ben, je suis sûr que tu pouvais te retrouver dans les boys qu'il y avait là-dedans, je sais pas. Le black était super drôle. Il y avait trois gars dans le groupe. Bref, ça a duré un bon moment, puis c'était à Musique Plus. Fait que à cause de Radio, tu as redécouvert S Club 7. Ouais, puis vraiment, là, écoute, regarde même celle-là. Là. Écoute, je sais pas combien de fois je l'ai dansé, cette toune-là. Là. danser tout seul avec la toune, je m'en rappelle, écoute, vous rappelez-vous QuickTime Player? Il y avait une espèce d'interface web juste pour QuickTime où on pouvait chercher des vidéos ces jours-là. Puis c'est juste là, tu sais, YouTube n'existait même pas. Là. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'était juste là que j'étais capable d'y accéder puis d'écouter. Là, fait que, écoute, je l'écoutais. Ah oui, c'était dans QuickTime 7 ça, qui avait fait ça. Oui, puis même en Ubuntu 1080p, il n'était pas disponible. Non, c'est fait ça. Ça n'existait pas dans le temps. Non, c'est ça. C'était des télés 1K. Ah, même pas, c'est 480 lignes. Hein? Ouais, c'est vrai. C'était du bon vieux 480p. Bon. OK. Sinon, on passe à ce segment de l'émission, en fait, qu'on garde pour se rappeler ces bons moments où Bernard était avec nous, c'est la section Bundles. Oui. Et cette semaine, il y en a un solide, là, quelque chose d'intéressant. En fait, c'est une recommandation si vous n'avez pas... moi, j'ai quelques-uns de ces logiciels-là, puis je l'ai quand même téléchargé. C'est, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé de même, c'est le Lifehacker Bundle sur le site Stack Social. Fait que c'est le site Lifehacker qui, probablement pris l'initiative de contacter les différents éditeurs de ces logiciels-là. Donc, il y en a quelques-uns et c'est pas des logiciels de tout nu. Le premier, c'est Text Expander, qui est le logiciel ayant le plus de features au niveau de... c'est des raccourcis d'écriture. Fait que mettons que toute la journée, tu as à écrire ton email, que ce soit dans une page web, c'est ton username ou quoi que ce soit, ben tu le programmes là-dedans, tu tapes, tu dis, ben mon email, c'est alexis.cornelier@gmail.com et tu lui mets une expression en dessous, EML, pour email. Et dès que tu vas taper EML, qui n'est pas commun, là, on s'entend, on ne tape pas ça dans tous les mots, là, ces trois lettres-là, ben il va écrire automatiquement ton email. Tu peux, mettons, tu fais ADDR, ben ça va écrire ton adresse. Donc, tu peux programmer des raccourcis comme ça de bouts de phrases que tu utilises souvent. Tu peux mettre, en fait, un texte qui est assez long, là, tu sais. Fait que c'est un très bon logiciel. Puis, dans la présentation du bundle, chacun des logiciels, ils ont une section qui disent, OK, ça, c'est son shining moment, puis c'est tous les bons commentaires qui ont été dits à propos des logiciels. Et Text Expander, Léo Laporte, il a dit que c'était le logiciel le plus important à mettre sur un Mac, juste après Quicksilver, qui est un launcher que j'utilise plus, mais qui était excessivement puissant. Puis pour les power users qui veulent à peu près pas utiliser leur souris sur leur ordinateur, Text Expander et Quicksilver sont un espèce de combo de la mort pour plus jamais à peu près avoir à utiliser ta souris. Ouais. Après, sinon, on a le bon vieux TechTool Pro. Exactement. Donc, un outil de réparation de disques, de diagnostic, tout ça. Très, très connu. Oui. Peut être très utile. Ensuite, on a le Pathfinder 6. Oui, Pathfinder, en fait, c'est un remplaçant au Finder de Apple qui offre plusieurs possibilités. La possibilité d'avoir peut-être deux fenêtres, une à côté de l'autre, d'avoir des onglets, d'avoir, en fait, les liens cliquables vers des endroits précis, pouvoir faire des raccourcis, des trucs comme ça. C'est un logiciel qui est très intéressant. Ensuite... On a le Mac Hider. C'est un logiciel qui fait pour qui protège vos fichiers ou vos dossiers avec des mots de passe. Oui, on va suggérer d'utiliser le logiciel? TrueCrypt, mais Mac Hider, TrueCrypt, c'est quand même assez. C'est pas si facile à prendre en main. Il faut que tu te crées une espèce de partition cachée. En tout cas, c'est pas user-friendly. Donc, Mac Hider peut être une bonne solution. Par contre, c'est vraiment sécuritaire. C'est très bien. Je l'utilise. Clairement. Je suis bénévole dans une fondation, puis on l'utilise pour protéger nos données. Là. C'est extraordinaire. Par excellent. DropZone 2, qui est un logiciel, en fait, qui permet... De créer en fait des shortcuts. Tu crées des raccourcis sur ton bureau vers des services en ligne. Et si tu as besoin d'aller porter, mettons, dans SkyDrive ou dans Amazon S3 ou dans Dropbox, ben, tu fais juste glisser ton truc dessus, puis ça l'envoie directement. Donc, ça peut être à ne pas confondre avec AirDrop. Oui, c'est pas la même chose. L'autre, c'est le AirServer. Très pratique. Mm-hmm. Super le fun, je l'utilise. C'est pour prendre tout ce qui est, mettons votre écran de iPhone. Vous pouvez le mettre dans votre ordinateur. Quand je fais mes vidéos, je mets mon screen de téléphone à droite. Tout ce qui est AirPlay est fonctionnel avec ce petit logiciel-là. En fait, ça rend ton Mac compatible AirPlay en termes de réception. Fait que ça donne un écran plus grand. Parce que AirPlay, c'est comme du téléphone au Apple TV, donc sur ta télévision, ou de ton ordinateur, si tu as un ordinateur récent, à ton Apple TV sur ta télévision. Ouais. Là, c'est AirServer permet d'avoir le téléphone qui est diffusé sur ton écran d'ordinateur. Donc, au lieu d'avoir un téléphone puis de donner une formation, ben tu peux demander aux gens de regarder un écran, l'écran de ton ordinateur, si tu n'as pas de télévision pas loin ou de très grands écrans. Puis, ça va quand même donner un confort plus intéressant. Oui, très pratique pour les anciens ordinateurs. Voilà. Parce que les nouveaux, on n'a pas besoin. Non. Caméra Bag 2. C'est un logiciel, en fait, qui permet d'appliquer des filtres, d'organiser ses photos, d'éditer un peu. C'est un bon logiciel qui n'est pas trop cher à acheter, mais là, évidemment, dans le bundle, il est encore moins cher, donc pas mal intéressant. Mac Pilot 5, qui est un logiciel qui donne accès à des fonctions du terminal, mais en mode GUI, donc en mode interface utilisateur graphique. Ouais. Et finalement, je pense que tu posais la question cette semaine, c'est ça, le Jean-François. Logiciel? Ouais. Je sais pas, mais je pense que c'est un logiciel qui permet de faire ça. En fait, c'est IPNet Monitor X, qui est une suite d'outils qui permet de monitorer et de diagnostiquer les problèmes réseau. Donc, on sait que, en tout cas, moi, j'en vois pas mal. iMac, AirPort Extreme ou AirPort Express, là, je sais pas qu'est-ce qu'Apple a fait là-dedans, mais c'est pas super stable. Il y a du monde qui perd leur connexion réseau pas mal là-dessus. Fait que moi, en mettant la main là, sur cet outil-là, je vais peut-être être en mesure de faire ces diagnostics. Je vais le checker parce que moi, j'ai tellement de cossins ici qui se branchent à mon réseau. Tu sais. Ouais. Je veux savoir combien que je... Ben là, plus maintenant, là, illimité maintenant, je m'en fous. Mais je veux savoir combien que chaque appareil prend en bande passante. Okay. Fait que je vais checker ce petit logiciel-là pour voir si ça ferait. Excellent. Oui. C'est ce qui met fin à cette émission, messieurs. Oui. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les intertubes? On peut me retrouver sur Twitter à JFroy1979. Je suis sur la page de Mac Québec aussi. Puis c'est ça. Ah, ta résolution de début d'année d'être plus sur Google Plus, ça tient plus. Hein? Hey, je sais pas, là, mais j'ai vu la semaine. Je pense que c'était la semaine ou la semaine passée que 25% des internautes étaient sur Google Plus. Là, genre, en tout cas, j'ai hâte de voir, là, mais bon. C'est parce qu'ils ne savent pas. Ouais, c'est ça. Vincent, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? On peut me retrouver sur Google Plus, Alexis. Yeah! Ben, tu vois, écoute, c'est 33% qui est sur Google Plus. Ah, t'es pas sur Google Plus, non plus? Sur Google Plus, non. Au mieux, là, si vous me voyez sur Google Plus, c'est probablement parce qu'il y a un If This Then That qui prend mes affaires de Twitter ou Facebook puis qui les envoie sur Google Plus. C'est ça. Ou Twitter est mort. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il faut qu'il soit solidement mort, là. Ouais. Bah, quand ça plante, moi c'est souvent Facebook, là, mais ça n'a pas planté souvent. Donc... Ouais, c'est ça. Quand Twitter plante, tu vas chialer sur Facebook que Twitter est mort. C'est ça. Exactement. c'est ça. Je suis sur Twitter, donc pendant que ça plante pas, DEV Vimiller, vous pouvez me suivre. Je parle d'actualité, de développement. De temps en temps, je tweet un petit peu en anglais, mais souvent c'est en français. Puis c'est ça. Mon site web aussi vmiller.ca. Merci pour certains qui m'ont dit que c'était un beau site là. C'est un nouveau site web, donc je l'ai refait. Ça peut pas être plus simple, là. C'est très très simple. Si vous avez une application à développer, iPhone, iPad, n'hésitez pas. Android, non. J'aimerais mieux Windows Phone 8 que Android. Ah, oh. Statement. Statement, ouais, exactement. Ben, c'est vrai. Oui. Et toi, Alexis, on peut te rejoindre où? Ben, pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier, AlexCornellier. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site web, alexiscornelier.com. Il ne se passe pas grand-chose, mais vous avez toutes mes informations de contact si vous voulez m'appeler, parce que, évidemment, je suis consultant, formateur et technicien quand je ne suis pas en train de vous donner quand on n'est pas ensemble en train de vous donner toute cette information-là ou de répondre à vos questions. Donc, vous pouvez payer pour avoir mes services à la maison. C'est ce que je fais dans la vie. Et vous pouvez aussi me retrouver quand Twitter est mort devant Netflix à écouter la fabuleuse série avec Kevin Spacey, House of Cards. Est-ce que vous avez jeté... Je la commence en fin de semaine, là. C'est vrai? Oui, je vais la commencer en fin de semaine. Je suis en train de parler avec Stéphane Gélina. Puis, faut qu'on commence à l'écouter. Là. J'ai écouté le premier épisode et c'est assez intéressant. Je ne sais pas si tu es abonné, Vincent, à Netflix. Ça vaut la peine d'essayer le premier mois. Je ne sais pas si tu as accès à House of Cards avec le premier mois. Tu as accès au tout le site avec ton mois gratuit. Mais ça se passe, en fait, puis toi qui es un tripeux de politique américaine, ça se passe à la Maison-Blanche. Et ce qui se passe, c'est que c'est le chef de la Chambre. Le poste, ça s'appelle le WHIP, W-H-I-P. C'est un gars qui prend quand même pas mal de décisions. Je pense que c'est le gars qui réécrit les projets de loi. Et il s'est fait promettre, en fait, le truc commence, puis tu comprends qu'il s'est fait promettre le poste de secrétaire d'État. Et finalement, il y a une fille que lui a engagée à la Maison-Blanche. Fait que la fille est là depuis moins longtemps. Puis elle se fait dire, sans que le président soit là pour y dire en pleine face, qu'il ne sera pas finalement, qu'ils ne peuvent pas respecter cette promesse-là qu'ils ont faite et ils mettent quelqu'un d'autre à sa place. Puis le gars décide de péter la patente en faisant couler de l'information puis en étant le pire dégueulasse qu'il peut. Là. Mais je vais écouter aussi la version british aussi de cette émission, de cette série-là. Oui, ça a l'air que la version british est meilleure que la version... c'est dans les années 80 ou 90, je me rappelle plus quand ils l'ont faite. Okay. Puis ça a l'air qu'elle est meilleure que celle avec Kevin Spacey. Peut-être, sauf que le système américain nous touche peut-être plus que le système anglais. L'accent aussi, il faut faire attention. D'ailleurs, Éric Paquin nous pose une question, à savoir si c'est en français. Non, elle n'est disponible qu'en anglais. Par contre, j'ai vraiment trippé parce que tu peux mettre les sous-titres. Les sous-titres sont en français. En français. Ouais. Donc, canadien, français, tu mets les sous-titres. Et ça, j'ai vraiment trouvé que c'était une super idée de la part de Netflix. Moi, j'ai pas de problème à écouter le truc en anglais, mais comme j'écoute la télévision beaucoup avec ma copine, si j'écoute une émission en anglais, il faut qu'elle puisse se retrouver, il faut que ce soit en français. Donc, le fait d'avoir les sous-titres, c'est vraiment un win pour cette série-là. Ouais. Voilà. Bon, mais sur ce, messieurs, n'oubliez pas de nous suivre la semaine prochaine, jeudi, vendredi. Nous sommes à Québec. On s'en va au web à Québec. Alors, on va aller voir des conférenciers nous parler du web. Puis on va être à Québec. On va être à Québec, exactement. Si vous avez l'application iPhone, on va vous notifier ou on va écrire de toute façon un article là, sur ça, sur MacQuébec. Oui, puis on va sûrement faire un podcast à peu près de... Ouais, moi puis Alexis, on est bon faire 3 heures. Là. Ben Vincent, tu viens-tu? Je devrais venir. Je veux m'assurer là, que je manque pas d'examen, là, mais je devrais être correct. Ouais, tu me sortiras, tu diras ton excuse. Tu sais, quand le gars, il a pas les priorités à la bonne place. T'es carré, hein? Tu sais, moi je prends des vacances, moi. T'sais, c'est comme moi, c'est des vacances, moi, là. Moi aussi, j'aimerais ça, mais bizarrement, quand le prof dit examen puis qu'on dit je vais prendre mes vacances, ça fait tu vas avoir zéro. Fait que c'est encore en négociation. C'est pas adapté à la réalité, ça, ce truc-là. Là. Il faudrait que vous ayez, des congés de maladie, puis des droits de grève. Que l'école soit gratuite, tu sais. Des droits de grève, que l'école soit gratuite. OK, non, non, mais toi, ta job, là, tu payes pas pour y aller, hein? Bon, ben c'est ça. Hey, moi, c'est ça, on est mieux de fermer ça. Je pense que oui, ça va. On va finir en pétage de gueule, je pense. C'est bon. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain podcast, édition spéciale Mac Québec au WAC. Au WAC. WAC, WAC, WAC. WAC, WAC, WAC. Bye. Bye, là. Bonne soirée.